Des formations de divers pays ont présenté sur l'Internet des articles en faveur de la Corée qui brille comme puissance de la jeunesse du jeté. Le comité de souvenirs du général Sim Kim Jong-il de Slovénie note que la République populaire démocratique de Corée porte la nouvelle appellation « puissance de la jeunesse » avec d'autres dénominations « puissance politique, idéologique et puissance militaire » et qu'elle est le pays plein d'avenir qui a une grande unité de jeunes, sains et nobles sur le plan idéologique et moral. Le comité national nigérien d'études de Kim Il-sung souligne que la Corée, puissance de la jeunesse, fait preuve de la conviction en la victoire, en dominant le monde bien qu'elle soit petite. L'Union de la jeunesse communiste Lénine de toute la Russie affirme que la grande unité des jeunes fiables est la grande fierté du Parti du Travail de Corée et du peuple coréen. L'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée note que les jeunes coréens se forment en combattants intrépides pour la défense en transe de leaders grâce à l'affection du maréchal Kim Jong-un qui continue le noble dessein des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il et que sous la direction du grand homme incomparable, l'avenir de la Corée, puissance des jeunes unique dans le monde, est infiniment radieux.